De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Vous êtes-vous déjà demandé combien de scientifiques qui existent par le monde? Avez-vous une idée de toutes les compétences scientifiques requises pour réaliser un projet titanesque comme envoyer un homme sur la Lune ou, à plus petite échelle, pour arriver à développer un avion comme celui de la série C de Bombardier? Alors, toutes ces réalisations sont le fruit de la collaboration scientifique, une collaboration scientifique nourrie et essentielle, car personne ne détient à lui seul toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un de ces projets. Alors, pour nous expliquer l'importance de la collaboration scientifique et comment elle s'est développée dans l'histoire, je reçois l'astrophysicien Yvan Dutille. Bonjour Yvan. Bonsoir. Alors Yvan, quand on parle de collaboration, on parle de quoi exactement? Par sa collaboration peut s'opérer à divers niveaux, dans la même discipline ou encore interdisciplinaire. Ça peut être avec différents intervenants. Quelles sont les formes que peut prendre la collaboration aujourd'hui? Bien, en fait, il y a différentes façons. Soit on est plusieurs à travailler sur le même projet, dans la même équipe, avec le même budget. Soit on va être plus appelé à collaborer sur un programme de recherche de façon générale. Alors là, il va y avoir des collaborations, je dirais, plus ad hoc ou spontanées, du genre « passes-tu tes données » ou « j'aimerais faire une mesure avec ton équipement de laboratoire » ou des fois, c'est plus gros qu'un équipement de laboratoire. C'est le genre de collaboration qu'on va voir le plus souvent. Dans certains domaines, comme en astronomie, il va y avoir des collaborations qui vont se faire simplement parce que on fait une observation, mettons, dans le milieu visible. Moi, pour mon doctorat, on avait des observations dans le visible, mais à un moment donné, ça nous prendrait des observations dans la radio. Et là, on contacte un astronome. Est-ce que vous pouvez nous prêter nos données? Et la plupart du temps, ça se passe assez bien. On peut surprenamment avoir accès à beaucoup de données aujourd'hui. On est loin de l'époque de Léonard de Vinci et Galilée qui encryptaient leurs données, leurs textes pour ne pas se faire voler leurs idées. Quand j'étais étudiant, ça commençait par le partage des données. C'est un petit peu plus difficile, mais même historiquement, je veux dire, même au 19e siècle, les gens s'échangeaient des plaques photos d'un bout à l'autre de l'Atlantique. Il y a un astronome ici à Québec, Edward David Ashe, qui avait pris une photo de l'éclipse de soleil de 1868 en Ohio, qu'il avait envoyé à Warren de la Rue, qui était astronome royal en Angleterre, pour la faire évaluer. Puis Warren de la Rue, d'ailleurs, c'est une très bonne image. Donc, il y avait de tout temps, il y a eu cette espèce de partage de connaissances. Mais aujourd'hui, ça a atteint des proportions qui ont pas d'allure, là. C'est gigantesque. Ce qui m'a amené à choisir ce sujet-là ce soir, c'est on s'est parlé il y a un mois, on parlait d'ondes gravitationnelles, de la relativité générale. En fait, j'avais espoir avant de donner l'entrevue qu'on allait faire l'annonce qu'on a fait il y a deux semaines. Un, prix Nobel pour la découverte des ondes gravitationnelles. Uh-huh. Et deux, c'était ce qui était vraiment le sujet que j'aurais voulu présenter, c'était la coalescence de deux étoiles à neutrons. Donc la fusion. Fusion de deux étoiles à neutrons ensemble. Phénomène très rare, et c'est la première fois qu'on l'observait avec des télescopes à ondes gravitationnelles. Okay, ça fait pas longtemps qu'on observe des phénomènes. Effectivement. Mais là, en plus d'avoir... Parce que ce phénomène-là, cette fusion-là, a généré des ondes gravitationnelles. Oui, c'est ça. C'est ça? En fait, une étoile à neutrons, pour le rappeler, c'est comme un noyau d'atomes, mais de la taille d'une montagne. Donc, à peu près la masse complète du Soleil compressée dans une sphère de 3 km de diamètre. Donc, en plus de la densité... à peu près quoi, 10 milliards, je sais pas, 100 milliards de fois plus dense que la matière normale. Okay. Donc, il y a des effets relativistes, c'est très rapide. Bon, c'est un des outils qu'on utilise pour utiliser la relativité générale, entre autres, c'est les étoiles à neutrons. Et il y a eu ce phénomène-là. Mais là, ce qui était intéressant, c'est que quand c'est deux trous noirs qui rentrent en collision, ça fait beaucoup d'ondes gravitationnelles, mais en général, il n'y a pas de signal électromagnétique. Les trous noirs n'ont pas de cheveux. Donc, c'est ça, absolument. Oui, c'est ça. L'expression en physique, c'est qu'ils n'ont pas de cheveux. Ils n'ont pas de structure, ils ont juste une masse puis une rotation. Alors que des pulsars, ben c'est de la matière, donc il y a eu émission des ondes lumineuses, radio, X, gamma. Dans tout le spectre. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un système d'alerte, ou le système LIGO a un système d'alerte pour la détection. Et à peu près une seconde et demie après, il y a eu une détection d'un sursaut gamma par un satellite en orbite. Et là, en dedans de 15 minutes, les gens ont compris que les deux étaient probablement liés. Alors, ils ont pointé tous les télescopes. Tous les télescopes de la Terre, à peu près, ont été pointés vers la même galaxie. Et dans tous les domaines de longueur d'onde. Ce qui fait que, en fait, c'est une collaboration astronomique un peu folle où, pendant quelques semaines, tout le monde a regardé le même point du ciel, pas tout le temps, mais au moins périodiquement. Et c'est arrivé cet été, au mois d'août. Mm-hmm. Il y a eu des rumeurs parce que les satellites, comme le télescope spatial Hubble, lui, il dit, vous pouvez vous abonner sur Twitter, il va vous dire « j'observe telle galaxie pour tel scientifique ». Alors, les gens ont vu passer « j'observe tel phénomène déclenché par LIGO uh-huh. », AXAF, les satellites en X aussi. Puis là, un moment donné, tout le monde a effacé les Twitter puis les trucs comme ça. Les articles sont sortis il y a 2 semaines, okay. à peu près. Combien de penses-tu qu'il y avait de scientifiques qui ont participé à cet article-là? Ça, c'était à l'échelle mondiale. Oui. Quelques centaines, peut-être? OK. 3950, approximativement, parce que c'est 951 institutions d'astronomes québécois, entre autres, okay. Gilles Fontaine, Université de Montréal, des gens de McGill. Donc, c'est le plus gros article jamais écrit en termes de nombre d'auteurs en astrophysique. OK, parce qu'ils ont tous été cités dans le cours d'auteur. Oui. On tourne 20 pages de titres avant d'arriver au... avant d'avoir arrivé à l'article. C'est même, ça. Là. Puis, et ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près le quart de tous les astronomes sur la planète. Ils ont réussi à garder le silence. Ça fait peur un peu. Là. Ils ont réussi à garder le silence pendant 2 mois. Il y a une vingtaine d'articles. Sont OK, on voulait éviter les fuites, quoi, c'est ça? Ben, en fait, c'est parce que il y a eu des... Tout le monde, ça a le fuité un peu, mais ils ont réussi à ne pas ébruiter trop l'affaire pendant un certain temps. Donc, et ça, c'est pas le record. Le record, c'est le CERN qu'il détient pour la découverte du boson de Higgs. Oui, alors le CERN, on le rappelle, c'est... Le Centre européen de recherche en physique nucléaire, en physique des particules maintenant. Là. Dans lequel on accélère des particules, oui, c'est ça? Oui, c'est à Genève, donc c'est le grand accélérateur de particules. Qui a 27 ou 28 kilomètres de long. 27 kilomètres de... Bon, c'est l'une des mecs de la science. Là. Et c'est là qu'on a découvert le boson de Higgs. Il y avait 2 articles qui ont été publiés... À peu près 6000 auteurs au total, mais un petit peu de regroupement. Donc, on parle de 5000 auteurs. C'est encore là, c'est le dénombrement est difficile à faire. Donc, c'est le record. Avant ça, le record était détenu par le projet HUGO, Human Genome Project. Oui. Et donc, il y a plusieurs années de ça, il y avait 3000 auteurs sur l'article. Parce que c'était un travail qui était distribué dans plusieurs laboratoires. Alors, on a regroupé tous les auteurs. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune étudiant, j'ai eu une conférence de Richard Taylor, le prix Nobel de physique canadien. Il nous avait montré l'article, il avait lu son prix Nobel. Puis, il y avait 500 auteurs. Moi, je suis là-dedans. Là. Il faut prendre une certaine modestie. D'ailleurs, c'est un peu une controverse autour de ça, parce que les prix Nobel se donnent seulement à 3 personnes au maximum. Cette année, ça a été le projet LIGO qui l'a eu. Puis les physiciens, bon, qui est content de le recevoir, mais il faut être. Puis beaucoup de gens ont dit, ça fait pas vraiment de sens, parce qu'aujourd'hui, c'est des collaborations. Fait que donner un prix Nobel à une personne sur. Alors qu'il y a eu peut-être 2000 personnes qui ont travaillé sur le projet LIGO, c'est quand même beaucoup. Un petit peu. Alors, les gens aimeraient qu'on puisse faire comme on fait pour le prix Nobel de la paix, donner à des organismes. Mais ça ne se fait pas parce que la Fondation Nobel respecte à la lettre le testament d'Alfred Nobel où il avait dit on donne ça aux scientifiques les plus méritants, qui est un peu la science d'il y a 150 ans, là, qui est plus vraiment d'actualité. Là. Mais Yvan, lorsque, comme tu disais tout à l'heure, qu'on a 3900 astronomes qui sont auteurs finalement d'un article, est-ce qu'ils ont vraiment chacun participé à quelque chose, tu crois, ou il y a de la complaisance là-dedans? Non, normalement, c'est que quand on... Ou est-ce qu'ils ont tous aussi observé le phénomène? Dans ce cas-là, c'était des gens qui avaient fait participer aux observations. La participation aux observations, l'analyse de données... Pour telle partie du spectre. Oui, c'est ça, effectivement. Okay. Dans les projets de physique des particules, on va... Il y a même le nom du psychologue industriel qui tient l'équipe ensemble. Okay. Mais on va voir les techniciens qui travaillent parce qu'on va... Dépendant du domaine, là, quand j'étais en génie, généralement, on met les gens qui ont soit écrit participé à la rédaction de l'article, soit pris les données, soit travaillé dans le laboratoire. Donc, il y a quand même un certain nombre de personnes. En astronomie, c'est les gens qui observent souvent, uh-huh. plus les gens qui, dépendant s'il y a des gens qui rajoutent de l'analyse de données, ils vont... Donc, normalement, quand ton nom est sur un article, tu devrais l'avoir lu une fois. Okay. C'est une espèce de règle pour voir... parce que tu vas pas accepter que ton nom soit sur un article que tu n'as pas lu. C'est un minimum. Là. Donc, mais c'est sûr que et d'un domaine à l'autre, ça change beaucoup. Il n'y a plus beaucoup de monde, à part dans les sciences humaines, où les gens travaillent seuls. Généralement, dans les sciences naturelles et en génie, il y a beaucoup de joueurs. Et ça, c'est une vieille... une vieille pratique là, de en tout cas en astronomie, ça date d'énormément longtemps là, pour des raisons bêtement de physique. Et est-ce que chaque auteur aussi pourrait soumettre des corrections? Oui. Quand tu écris un article comme je n'ai écrit même quand t'en as 3000 là? Oui, en théorie, mais apparemment qu'à 3000, je sais pas comment, mais plus que j'ai fait, c'est 12 là, plus que j'ai fait, c'est 12 dans 6 institutions différentes pour une espèce d'articles de politique scientifique dans un domaine de recherche précis où on dit ben là notre programme de recherche devrait être ça et tout le monde dit oui mais rajoute ci rajoute ça fait que bon ça, tout le monde met son petit grain de sel donc ça prend les gens ils travaillent avec souvent des outils collaboratifs Google Doc des trucs comme ça parce que sinon je sais pas comment ils gèrent en physique des particules cette mécanique ce volume là oui mais on se demande c'est un gros la personne qui édite mérite certainement d'avoir son nom dans les mes auteurs. Mais historiquement, je veux dire, si on retourne quelques siècles en arrière, c'était pas comme ça. Là. Je pense que les chercheurs avaient peut-être tendance un peu peut-être à cacher. Oui, ben c'est ça. Des gens comme Newton. Newton, oui, c'est un peu. Newton travaillait tout seul. Hein. Malgré tout, il a travaillé avec Halley. Il a travaillé avec Edmond Halley pour les calculs de comètes. Halley savait que c'était une orbite parabolique. Oui. Einstein, il a fait beaucoup de choses tout seul, mais il a besoin de mathématiciens, je pense. Quand il était rendu à la Recherche générale, il est allé chercher de l'aide de copains. Il a travaillé avec Léo Szilard, qui était son étudiant sur certains problèmes. Donc, c'est une époque où il y avait deux, trois auteurs par papier. Là. Okay. Moi, je sais plus, la moyenne est plus de 7 à 10 en physique, là, dépendant des domaines. Puis c'était des théoriciens aussi. C'est sûr que quand on est un expérimentateur, on a plus de monde dans notre équipe que quand on est un théoricien, on peut travailler dans son coin. Même des astronomes classiques comme Tycho Brahe, qui avait son observatoire à Uraniborg en Suède, avait des assistants. Lui, c'est pas lui qui faisait les observations. Il y avait des grands espèces de rapporteurs d'âge géants pour mesurer la position des planètes. Lui, le soir, il donnait des ordres à chaque assistant pour faire ses observations. Il y avait des gens qui avaient des calculateurs. Des gens qui faisaient les calculs à la main. Alors, il y avait beaucoup de mathématiciens qui étaient capables de le faire eux-mêmes, mais quand il y avait un petit peu d'argent, puis il y avait des financements, ils engageaient un calculateur ou une calculatrice. Ça a eu une époque on a vu dans le film Hidden Figure, même jusqu'à récemment, il y avait des gens qui faisaient des calculs à la main, de façon professionnelle. Par exemple, encore en astronomie, la difficulté, souvent, c'est qu'il faut faire des observations simultanées à de très grandes distances. Donc, ça prend un copain à l'autre bout du monde pour t'aider. Et Tycho Brahe, il y avait une comète qui était apparue dans le ciel, puis il avait déduit qu'elle devait être pas mal loin parce qu'il la voyait pas bouger entre le début et la fin de la nuit. Mais il a collaboré avec un astronome à Prague, donc à 2000 km à peu près d'où il était, puis ils ont montré que la comète devait être au moins plus loin que la Lune. Okay. Pour nous, c'est niaiseux, là. Mais à l'époque, ça voulait dire, les comètes, depuis Aristote, ont considéré que c'est un phénomène atmosphérique. Alors, le fait qu'elle était plus loin que la Lune, ça la mettait dans le domaine des planètes. Uh-huh. Et là, il y avait un problème, parce que les comètes ne suivent pas une trajectoire comme les planètes. Sont pas, alors, ça mettait en doute l'immuabilité des cieux. Donc, il y avait beaucoup de... Ça donnait un gros coup de pied dans le modèle d'Aristote, ça. Et ici même, au Québec, une des premières observations astronomiques, c'est qui a été faite par Jean Déhaie, qui était hydrographe du roi, en 1685. Lui correspondait avec Dominique Cassini, qui était directeur de l'Observatoire de Paris. Et ils ont observé une éclipse le 10 décembre 1685, une éclipse de lune, à Québec et à Paris. J'ai essayé de refaire l'expérience en 2008. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait des nuages à Paris. Mais avec ça, on peut déterminer le décalage horaire et donc la longitude. Parce qu'il faut savoir qu'aller jusque vers les années 1760, c'était très difficile de déterminer la longitude parce qu'on n'avait pas d'horloge précise. Donc, il fallait se fier sur des phénomènes astronomiques pour recaler les horloges. Et c'est comme ça qu'on avait calculé la longitude de Québec. Un autre astronome québécois d'adoption, Père Joseph Bonnecamp, qui était un jésuite, qui enseignait au Collège jésuite de Québec. C'est un petit peu plus tardif, c'est vers... Lui, c'est un astronome, par obligation professionnelle, mais il se plaint qu'il y a des équipements pourris. Il écrit à Colbert, le ministre de la Marine, puis en passant par la Galissonnière, qui est le gouverneur, il dit, là, écoute, ça me prend des meilleurs instruments, il faut que j'enseigne l'hydrographie, c'est essentiel, parce qu'à Québec, on l'oublie souvent, il y a une ligne de fortification qui est le fleuve, qui empêche les bateaux de rentrer, fait qu'il faut former des pilotes pour passer à travers toutes les îles qui se rendent à Québec. Il dit, moi, j'ai besoin d'instruments d'astronomie. Pendant des années, il n'y a rien, mais il communique avec quelqu'un qui s'appelle Joseph-Nicolas Delisle, qui est un astronome à l'Observatoire de Paris. Joseph-Nicolas Delisle, lui, va faire une observation, un grand projet de recherche internationale, le premier, probablement le grand, plus grand projet de recherche internationale du 18e siècle, observer le transit de Vénus, qui est une, on veut mesurer la distance de la Terre au Soleil. C'est un phénomène très rare, c'est pas une fois par siècle. Vénus, qui est la planète sœur de la Terre, qui est plus près du Soleil, passe devant le Soleil. Dans le diamètre du Soleil. Oui, dans le diamètre. Ça dure quelques heures. Et on voit un petit point noir passer. C'est ça. La dernière fois, c'est en 2012. On l'a vu à Québec. Okay. Ça va être en 2100 quelque chose. Alors là, Delisle dit là, on a comme une chance unique de le faire. Alors il organise des expéditions avec des scientifiques d'un peu partout dans le monde. Mais avant, il veut se pratiquer avec le transit de Vénus, qui arrive beaucoup plus souvent. Là, c'est à peu près une fois par décennie. Transit de Mercure. Mercure, je me suis trompé. Mercure, qui est de la planète la plus près du Soleil. Donc ça dure moins longtemps, mais ça arrive plus souvent. Fréquent. Fait que il dit, on va se pratiquer. Il y en a un en 1753 et il donne un paquet d'observations d'endroits dans le monde où il faut observer, et entre autres Québec. Donc, puis là, bizarrement, j'ai contacté l'Observatoire de Paris, avez-vous une preuve, ils n'ont aucune trace de tout ça réel, bizarrement, Bonnecamp reçoit ses instruments d'astronomie qu'il avait demandé depuis des années, à peu près à cette époque-là. Mais à cause de la conquête, il n'aura pas eu l'observation du transit. Bonnecamp va retourner en France, il va finir à Saint-Pierre-et-Miquelon pendant un certain temps. Mais le transit va être observé à Québec, pareil, et par deux gens, un autre jésuite, le maire Saint-Germain, et un certain Samuel Hollande, qui est arpenteur général du Canada, et a fait l'observation de Québec. Thomas Wright, monsieur Moore Wright, dans le nord de Québec, qui est son assistant, le député arpenteur général, lui, il voulait aller à Gaspé, il était bloqué à l'île aux Coudes. Donc, ils ont envoyé leurs observations à la Royal Society, qui ont été compilées et analysées pour calculer, justement, la distance de la Terre au Soleil. Donc, ça, ce sont on était dans cette game-là. Même, il y en a eu un autre astronome, moi, Edward David Ashe, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui faisait des expéditions astronomiques. Ben, il a participé à la première expédition scientifique internationale des États-Unis. En 1860, on est allé observer encore une éclipse. On va dire, c'est têteux, là. Ils sont allés au Labrador, à l'extrême pointe nord du Labrador. Il y a un roman de Jules Verne, Le Pays des Fourrures, qui est basé sur cette expédition-là. Ah bon? Et donc, lui est allé faire ses observations là-bas. Et il a parti avec les Américains. En tout cas, c'est la première grande expédition scientifique. Donc, la collaboration internationale, ça fait très longtemps. Bon, il y a toutes sortes de projets dans le domaine de l'astronomie, mais par exemple en génie, le projet Manhattan, qui est une grande collaboration aussi, programme spatial aussi. Même au début, il y avait une volonté de collaborer. La première mission conjointe américano-russe, c'est Skylab, là, pas Skylab, après Skylab, Apollo Soyuz, à la fin des années 70. Donc, il y a quand même toujours eu une volonté là, de partager et d'échanger un peu partout dans le monde. Là. Et j'imagine qu'on le fait aussi pour l'avancement de la science comme telle, pour connaître davantage. Oui, mais en fait, c'est parce que la science progresse par le partage des idées. Bon, puis évidemment, à un moment donné, il y a certains phénomènes qui se produisent qu'à certains endroits. Si tu es un vulcanologue, oui. Ben, tu vas faire le tour des volcans. Si tu es au Québec, ça va être un peu décevant. Donc, tu vas avoir des collaborateurs dans des pays où il y a des volcans. Moi, j'ai travaillé avec des collègues au Burkina Faso. Ils avaient fait une maison écologique, mais à l'africaine. Donc, ils avaient rajouté de la paille dans les murs en argile traditionnelle, très peu réplicable au Québec, mais sauf que ils ont le problème inverse de nous. Eux, ils ont extrêmement beaucoup de chaleur, alors que nous, on a beaucoup de froid. Donc, ils avaient intérêt à isoler aussi leur bâtiment. Mais même aujourd'hui, on l'a d'une autre façon avec la science citoyenne, maintenant, qui est une collaboration scientifique d'un type qui est même pas nouveau, mais au lieu d'avoir des gentlemen scientists comme au 19e siècle qui avaient les moyens de se payer des équipements, entre autres, moi c'est Warren Delarue, il était devenu riche parce que sa famille avait inventé la machine à plier les enveloppes. Fait qu'il avait les moyens de faire de l'astronomie. Helvétius, un autre astronome qui était une couple de siècles avant lui, il est devenu riche parce que sa famille était des brasseurs, fait qu'il était devenu riche dans la bière. Donc, aujourd'hui, on peut aller faire des trucs très intéressants sur Zooniverse, entre autres, pour rentrer les choses. Donc, mais j'imagine que l'émergence justement des réseaux sociaux et d'Internet, ça doit collaborer à la participation des citoyens pour... Oui, pour les citoyens. Ça aide aussi pour les scientifiques parce qu'il y a une époque où c'était très difficile d'avoir, dans certaines régions du monde, d'avoir accès aux revues scientifiques. On travaille plus en sciences ouvertes. Maintenant, en astrophysique, vous allez trouver presque tous les articles à un moment donné sous forme gratuite. Par contre, cette collaboration-là est tellement essentielle à la science qu'il faut vraiment faire partie des réseaux. Et là, il y a un risque, quand on ne fait pas partie des réseaux, c'est d'être mis de côté puis de ne pas performer comme scientifique. Ici à Québec, en astronomie, on était un centre périphérique, donc il fallait prendre certaines mesures pour aider. Il y a un truc qui nous avait beaucoup aidé, nous, quand j'étais étudiant, moi, c'est qu'on était tous partis faire un stage quelque part pendant nos études. Fait qu'on allait dans un centre de recherche. Beaucoup sont allés au Space Telescope Science Institute à Baltimore. Je pense qu'on est tous passés par là, moi y compris, à un certain moment donné de notre carrière, pour voir d'autres gens, pour voir... on envoie les étudiants à des conférences scientifiques, mais tu sais, bon, c'est comme ça qu'on essaie de se faire les réseaux. Parce que ça, le réseau social est pas négligeable, il est relativement important pour toutes sortes de raisons. Psychologiquement, aussi, c'est plaisant de parler à des gens. Quand tu es étudiant, puis c'est un petit peu déprimant, là. Mais ça, il y a un problème aussi avec ça, c'est que si pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas participer à ce réseau-là, parce que vous êtes d'une université moins riche, et vous êtes un peu isolé, ou en fait, ce qu'ils ont une chose assez récente qui est aperçue, c'est que si vous êtes une femme. Oui. Il y a un article intéressant qui a été publié il y a quelques mois. En astronomie, les femmes sont citées 20% de moins que les hommes. Quand on tient compte de tous les facteurs ancienneté. Mais en fait, c'est pourquoi est embêtant. Et une des raisons, parce que j'ai demandé à Vincent Larivière, qui est un spécialiste de questions à Montréal, il dit la raison, parce que ça serait même difficile de vouloir moins citer les femmes, parce que ça demanderait un effort. Et il dit c'est une des raisons, c'est que il cite un peu moins, il publie avec un peu moins de gens par article. Ça, c'est une façon d'augmenter le nombre de citations, c'est d'avoir beaucoup d'auteurs. Mais ils ont des réseaux sociaux un petit peu moins étendus que les hommes. Les hommes ont plus de facilité à se faire des réseaux sociaux. Encore récemment, il y a eu une expérience qui a été faite pour partager les données. On parlait tout à l'heure. Vous demandez un homme demande à un homme, 85% de chances qu'il vous envoie les données. Si vous êtes une femme qui demande à une femme, c'est plus dans le bout de 70. Si vous êtes un homme, une femme qui demande à un homme, c'est 70. Il semblerait qu'instinctivement, les hommes ont une tendance à vouloir collaborer entre eux. C'est moins instinctif où il y a d'autres avec les femmes. Alors, c'est pas un gros bien, mais ça crée un petit handicap qui, comme c'est un domaine assez compétitif, ça peut nuire à la carrière de quelqu'un. Donc, il y aurait une certaine méfiance peut-être de la part des femmes? Peut-être? Non, même pas. C'est plutôt par contraire, parce que les femmes entre elles, ils partagent pas plus que les hommes. C'est comme... Il y a des anthropologues qui expliquent ça par le fait que les hommes ont appris à ne pas se battre, à trouver des moyens de collaborer plutôt que se tapocher dessus. Alors, merci beaucoup, Yvan Dutil, pour avoir éclairé nos lanternes, en fait, sur ce sujet et d'avoir fait comprendre, en fait, la nécessité de la collaboration entre scientifiques dans toutes les disciplines. Et je rappelle que vous êtes astrophysicien. Oui. Merci beaucoup. Oui. Merci. Merci. On passe au mot de la fin.